Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 71. De l'injustice dans les avocats. Cas où un avocat est obligé de défendre la cause d'un indigent. Interdiction de l'office d'avocat. De la défense d'une cause injuste. Un avocat peut-il recevoir de l'argent pour son plaidoyer? 1. L'avocat est-il obligé de se charger de la défense des pauvres? La défense d'un pauvre étant une œuvre de miséricorde, on doit en raisonner comme de toutes les autres œuvres de ce genre. L'avocat qui voit un pauvre dans une nécessité pressante dont il ne peut sortir sans son appui, doit prendre sa défense. Mais si le pauvre peut être secouru par quelqu'un qui tient à lui de plus près ou qui a pour cela de plus grandes ressources, on n'est pas strictement obligé à cette bonne œuvre, bien qu'on fasse un acte louable en l'accomplissant. 2. Est-il convenable que certains individus soient exclus de l'office d'avocat? L'office d'avocat doit être interdit, d'abord, pour cause d'impuissance, aux aliénés, aux enfants, aux sourds et aux muets, ensuite, pour cause d'inconvenance, aux personnes consacrées au culte divin, à raison de la supériorité de leurs fonctions, enfin, pour cause d'indignité, aux infidèles, aux infâmes et à tous ceux qui ont subi quelques condamnations flétrissantes. 3. Un avocat peut-il défendre une cause injuste? Parce que vous prêtez secours à l'impie, dit un jour le prophète Jéhu au roi Josapha, vous vous attirez la colère du Seigneur. 2. Chroniques 19, 2. L'avocat qui défend une cause injuste prête évidemment secours à l'impie. S'il le fait sciemment, il commet un péché grave et encourt l'obligation de réparer le tort qu'il occasionne à la partie adverse. L'apôtre n'a-t-il pas dit, sont dignes de mort, non seulement ceux qui commettent le péché, mais encore ceux qui y donnent leur consentement, Romains 1, 32. Quant à celui qui croit juste la mauvaise cause qu'il défend, il est excusable suivant les conditions et la mesure de son ignorance. Note. Un avocat qui, dans le cours du procès, découvre que la cause qu'il croyait juste ne l'est pas, ne doit pas aider la partie adverse, mais il peut et il doit abandonner la défense, ou engager son client, soit à se désister, soit à transiger. Pour la manière de soutenir le procès, il est permis à un avocat, dans une cause juste, de cacher avec habileté ce qui pourrait nuire à son plaidoyer, comme, dans une guerre juste, le soldat ou le chef d'armée peut dissimuler ses démarches avec adresse et préparer des embûches, mais il ne lui est jamais permis de mentir, en présentant des pièces fausses. La foi doit être gardée même envers nos ennemis. Fin de la note. 4. Un avocat peut-il recevoir de l'argent pour son plaidoyer? Un avocat, qui n'est pas toujours tenu de prêter son ministère et ses avis à la cause d'autrui, n'agit pas contre la justice en faisant payer son plaidoyer ou sa consultation. Il est dans le cadre du médecin qui donne ses soins à un malade et de toute autre personne qui remplit des fonctions analogues. Il ne doit toutefois recevoir qu'un prix modéré, suivant la condition des personnes, la nature des affaires, la grandeur du travail et la coutume des lieux. Note. La science du droit est sans doute un bien de l'ordre spirituel, mais on n'en fait néanmoins usage qu'au moyen d'un travail corporel, qui permet d'exiger une récompense pécuniaire. Autrement aucun artisan ne pourrait tirer profit de son art. Il convient que les honoraires des juges soient payés par le trésor public, et que les témoins reçoivent une indemnité comme prix, non de leur témoignage, mais de leur temps. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.